cara de raison. Tu verras la princesse, tu connaîtras aussi l'agression. Et tu verras des micros tendus vers des femmes et tes enfants nus. Puisses-tu continuer? Parfois ça frisera la raison.